Traduction, Marie-Claire. Quand j'étais au lycée, j'avais une bonne copine. Elle s'appelait Marie-Claire et était une fille très gentille. On s'entendait bien et on ne se disputait jamais. Le seul problème était qu'on ne pouvait pas se voir hors du lycée. Chaque fois que je lui proposais de sortir ensemble, elle déclinait en disant « Je te jure, ce n'est pas ma faute ». Au début, je me suis dit qu'elle avait sans doute un autre petit copain. Mais un jour, elle avoua que ce n'était pas le cas. Si son père était moins autoritaire, elle aurait une meilleure vie. Il demandait qu'elle obéisse sans le contredire. Il disait toujours qu'elle devait étudier ou lire. Bien qu'elle eût déjà 18 ans, il n'acceptait jamais son opinion. Il pensait être un père modèle. Quelques jours après cette conversation, Marie-Claire arriva à l'école avec du retard. Elle était très triste. Je lui demanda ce qui était arrivé. Elle répondit que la police était venue la veille et avait arrêté son père. Cet homme modèle, comptable dans une grande entreprise, avait détourné 5 000 francs pendant 10 ans.